hey, hey, hey, hey, hey. Si on tarot qu'à ton shit, négro, on s'en bat les couilles. Quand les keufs sont trop speed, négro, on s'en bat les couilles. Pose la taille au coin, bip, négro, on s'en bat les couilles. Laisse la dos finir son strip, négro, on s'en bat les couilles. Pour la gérer dans son cul, négro, on s'en bat les couilles. Coupe le son, je vais mon cul. Je m'en bats les couilles, tu peux finir dans ma veste, négro, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Et on danse quand les cœurs, hey, hey, sans le score, on fume de l'air. C'est pas ce qu'on te réserve. Pourquoi sortir le gamme Haussmann si tu roules en réserve? On s'en bat les couilles, on fait parler les douilles. Ce soir c'est privé, c'est gangster, Foster, on sort les fers, elles mouillent. Les rappeurs ont pris 3 mois, se prennent pour Michael Scott Field. Bâtiment F, deuxième étage, tu peux me joindre sur mon sans fil. Je fais de l'art, le keuf s'est pris un pénalty miskin. Avec son sang, je vais repeindre mon nouveau polo miskin. Probe si je meurs, prenez ma voix, faites-en des dons d'organes. Je partirai d'une balle dans le dos, dans le lit de Clara Morgan. Gan. Les rappeurs portent plainte, plainte, elles ont moult crainte. Je dis de la dope, pas du zouk, moi je baisse. Si on tarot qu'à ton shit, négro, on s'en bat les couilles. Quand les keufs sont trop speed, négro, on s'en bat les couilles. Pose la taille au coin, bip, négro, on s'en bat les couilles. Laisse la dos finir son strip, négro, on s'en bat les couilles. Pour la gérer dans son cul, négro, on s'en bat les couilles. Coupe le son, je veux mon cul. Je m'en bats les couilles, tu peux finir dans ma veste, négro, on s'en bat les couilles. S'en bat les... Et on danse quand les keufs, keufs, sont tous mis à la mort. Bon. Hey. Approche, j'ai un plan, lâche ta bouteille de clan. On fout le désordre, les forces de l'ordre, y'a plus petit, plus de grand. Non, on s'en bat les couilles, on fait parler les douilles. Oh ma god, c'est mort, mon pote, les godes sont trouvés dans ta fouille. C'est la merde, je fais des bleus, tu sens baisser mon calcif. Et puis chichichi, une tasse à chaque porte du périph. On fait des chiffres, on fait des sous, on prend du bif, tu prends des gifs. Se balader, broliquer, voilà ce que c'est d'avoir un bif. C'est la merde, mais laisse-les parler, oh, j'te balle, ça peut mal aller. Laisse-les se faire recaler. Interdit au poucave, laisse-les parler. C'est une balle, ça peut mal aller. On finit en soirée privée, finis dans la cave. Racasse le beat, flow équipé AMG. Et depuis que j'ai signé les RG, surveille BMG. Si les bitches et les euros, il en faut, faut. Les millions posés sur la table, les gros jeux, les vovos. Ils disent que de la merde. Laisse-les parler, c'est une balle, ça peut mal aller. Laisse-les se faire recaler. Interdit au poucave, laisse-les parler. C'est une balle, ça peut mal aller. Hey, si on tarot qu'à ton shit, négro, on s'en bat les couilles. Quand les keufs sont trop speed, négro, on s'en bat les couilles. Pose la taille au coin, bip, négro, on s'en bat les couilles. Laisse la dos finir son strip, négro, on s'en bat les couilles. Pour la gérer dans son cul, négro, on s'en bat les couilles. Coupe le son, je veux mon cul. Je m'en bats les couilles, tu peux finir dans ma veste, négro, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Et on danse quand les keufs, keufs, sont tous mis à la mort. La on danse, et on danse, et on danse. Et on danse quand les keufs, keufs, sont tous mis à la mort.